Alors tu dis que tout est prêt, Rogojin. Tout est prêt, Mazarin. Les troïques avec les clochettes nous attendent en bas. C'est bon, avance, Rogojin. Non, attends une minute. J'ai encore une affaire à régler avant que nous partions. Ou une toute petite affaire. Écoute-moi, Gabriel Ardalionitch. J'ai une idée. Je veux te dédommager. Car il n'y a pas de raison que tu perdes tout. Oui, je veux te dédommager. Et par la même occasion, t'éprouver une dernière fois. Vois-tu le paquet crasseux de Rogojin ? Il y a là 100 000 roubles. Je vais le jeter dans la cheminée. Lorsque le feu l'aura enveloppé, tu t'approcheras de la cheminée, les mains nues. Et tu retireras la liasse. Si tu le fais, l'argent est à toi. Certes, tu te brûleras un peu les doigts. Mais pense qu'il s'agit de 100 000 roubles. Réfléchis, Gabriel Ardalionitch. Tous sont témoins que l'argent t'appartiendra. Mais s'il ne va pas le chercher, il brûlera. Je ne laisserai personne d'autre s'approcher de la cheminée. Mais que voulez-vous à gémir? Pour le moment, l'argent est encore à moi. Je l'ai reçu de Rogojin. C'est vrai. L'argent est Anastasia Philipovna, à la tsarine. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Vous avez entendu? Alors écartez-vous, vous. Ferdichenko attise le feu. Pour que l'argent brûle mieux, Nastasia Philipovna. Mais je ne peux pas le faire. Dieu m'est témoin. Ah, c'est comme ça. Eh bien, je le ferai à ta place. Et Nastasia Philipovna, saisissant les pincettes, disloqua deux bûches qui achevaient de se consumer. Et dès que la flamme en eut jailli, il y laissa choir le paquet. Mais elle est folle. Oh, mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux de la ligoter, d'envoyer chercher les sergents de ville? On ne brûle pas de l'argent. C'est un crime. C'est peut-être un crime général, mais pour autant que je sache, aucun article du code pénal ne le sanctionne. Mais c'est bien avant. Oui, elle est folle, Afanassy Ivanovitch. Elle ne l'est peut-être pas tant que cela, général. Je vous ai dit que c'était une maîtresse-femme. Ils étaient tous blancs comme linge. Ils tremblaient et ne pouvaient pas détacher le regard de la liasse que le feu entamait. Lebedev, le tchinovnik, se jeta à genoux, étendit ses bras vers Nastasia Philipovna. Ma petite mère, ma reine, ma toute puissante, tu as lancé au feu 100 000 roubles. 100 000 roubles. Aie pitié, ma reine. Dis-moi d'aller dans la cheminée et j'y entrerai tout entier pour retirer la liasse. Ma femme est malade, elle ne peut pas marcher. J'ai 10 enfants, 10 futurs orphelins. J'ai enterré mon père il y a un mois et ma mère la semaine dernière. Il n'y a pas de quoi manger à la maison. Laisse-toi attendrir et permets-moi de retirer le paquet de la cheminée. En arrière, vieux maquignon. Il n'y a pas de pitié dans mon cœur pour personne. Eh bien, Gabriel Ardalionitch, qu'attends-tu? N'aie pas honte, vas-y. Ton heure est venue. Oh, dois-je te conduire vers la cheminée? Tu défailles, mon âme. Mais Gabriel Ardalionitch avait sans doute trop enduré d'humiliation ce soir. Il ne détachait pas son regard du feu, de la liasse qui commençait à se consumer, mais ne bougeait pas de sa place. À un moment donné, il fit un pas vers la cheminée, mais aussitôt s'arrêta et baissa la tête. Et tous se rendirent compte qu'il résisterait à la tentation et n'irait pas chercher l'argent. Hola, Gabriel Ardalionitch. Voilà, mon bon gagnant, il va brûler ton argent. Et toi, tu vas te pendre après. C'est sûr comme notre Dieu Jésus-Christ a ressuscité. La flamme mince et paresseuse qui jusque-là semblait hésiter à brûler cet argent que tout le monde convoitait avec tant d'âpreté, grandit tout à coup, monta rapidement le long du paquet. Et la liasse tout entière s'embrasa. Malédiction sur toi, Nastasia Philipovna. En arrière, les Lebedev. En arrière, canaille! Ah, tu m'as frappé! Mougique! Moi, un fonctionnaire de l'État, tu me le paieras! Parfait, Rogojin, ayant administré un violent coup de poing à Lebedev, fixa de nouveau un regard admiratif sur Nastasia Philipovna. Il était aux anges. Ah, ça, c'est une reine. Elle agit tout à fait comme j'aurais agi moi-même. Elle est de ma race. Qui de vous, fripouille, aurait fait une chose pareille? Hein? Qui? Eh bien, Répondez. Mais ça brûle. Un mot de toi, Anastasia Philippovna, et je retirerai l'alias avec mes dents. Mais c'est que je ne le dirai pas, ce mot, Ferdichenko. Gabriel Ardalionitch, ne fais pas l'entêter, approche-toi gentiment de la cheminée, prends l'argent. Prends l'argent pendant qu'il en est encore temps. Vas-y, vas-y, Gania, autrement tout va brûler. Gabriel Ardalionitch repoussa de toutes ses forces Ferdichenko, qui s'était accroché à lui et se dirigea vers la porte. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'il chancela et tomba par terre, raide. Il est mort. Ah, cette vermine ne meurt pas si facilement. Non, il est seulement évanoui. Petite mère, ma reine, ça brûle. Ça brûle pour rien. Katia, Masha, de l'eau et de l'ammoniaque. Nastassia saisit les pincettes et retira l'alias. Elle était entourée d'une triple rangée de journaux, de sorte que seul l'emballage avait été atteint par le feu. L'argent lui-même avait été épargné. Oh, il n'y a qu'un billet de 1000 roubles qui a brûlé. Oh, Dieu soit loué. Tout le reste est intact. Tout est à Gabriel Ardalionitch, l'alias entière. Entendez-vous, messieurs? Je la dépose à côté de lui. Il l'a mérité. Il n'y est pas allé. Il a tenu bon. Le voilà qui reprend ses sens. L'argent est à toi, Gabriel Ardalionitch. Je te le donne, en pleine propriété, à titre de dédommagement pour tout ce que tu voudras. Tu es content au moins. Dis, tu ne m'épouses pas et tu as ton sale argent. Et maintenant en route, Rogojine. Adieu, prince. Ne sois pas trop triste. Tu es le seul vrai homme parmi toutes ces canailles. Et voilà, ils arrivent. Ce n'est pas trop tôt. On dirait une vraie noce, ma parole. Alors qu'il s'agit en somme de l'enlèvement d'une fille publique. Chut, petit père. Si Parfen Rogojine t'entendait traiter sa bien-aimée de catin, il t'égorgerait sans hésiter. Ça, c'est vrai, il m'égorgerait, le maudit. Qu'attendez-vous? Mettez-vous tous dans les troïkas derrière. Anastasia, Philippovna et moi, nous prendrons place dans la première troïka. Celle aux clochettes dorées. Vous venez avec moi, vous? Tout le monde est installé? Oui, voilà, voilà, voilà, oui. Alors, signons-nous, frère. Signons-nous. Et implorons pour Nastassia Philippovna la protection de la Sainte Vierge. Et maintenant, en route! Cochez, fouettez vos chevaux. Ne lésinez pas. Pour un cheval crevé, je vous en rachèterai trois. Allez! Allez! C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Marcel Bozufi, Parfen Rogojine, Jean-Jacques Delbault, les Bedef, Jean Mercury, Ferdichenko, Jean Lemaître, Titzin, Davin de Chanclos, Afanassy Totski, Jacques Francel et Jean Combal, les cochers, Michel Bréhé et René Maupré, les voix, avec Pierre Bertin, le général Yepanchine, et Sylvia Montfort, Nastasia Philippovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.